Chapitre 3. Grandeur et décadence du petit roi Madou Guézo. Si le gymnase Moronval existe encore, ce que je me plais à croire, je signale à la commission de salubrité le dortoir de cette respectable usine comme l'endroit le plus malsain, le plus extravagant, le plus humide où l'on n'ait jamais fait coucher des enfants. Figurez-vous un long bâtiment tout en rez-de-chaussée, sans fenêtres, éclairé seulement d'en haut par un vitrage au plafond et parfumé d'une odeur indélébile de collodion et d'éther, car il avait servi autrefois aux préparations photographiques. La chose était située dans un de ces fonds de jardin parisien, où se dressent de grands murs sombres, muets, couverts de lierre, dont l'ombre répand une moisissure partout où elle traîne. Le dortoir s'appuyait, à l'envers d'un superbe hôtel, contre une écurie remplie à toute heure des coups de pied des chevaux et du bruit d'une pompe sans cesse jaillissante, ce qui complétait bien l'aspect détrempé de cette boîte à rhumatisme entourée à mi-hauteur de ses murailles d'une sinistre bande verte comme d'une ligne de flottaison. D'un bout de l'année à l'autre, c'était toujours humide, avec cette différence que, selon les saisons, l'humidité était ou très froide ou très chaude. L'été, cette boîte sans air, surchauffée par son vitrage, évaporant au frais de la nuit toute sa chaleur du jour, s'emplissait de buée comme un cabinet de bain, transpirée de toutes ses pierres lézardées. En outre, une foule de bestioles, entretenues par le voisinage du vieux lierre, attirées par la clarté du verre, s'introduisaient à travers les moindres fissures, voletaient ou couraient au plafond avec des susurrements, des crépitements, puis lourdement se laissaient choir sur les lits, tentés par la blancheur des draps. L'humidité d'hiver valait encore mieux. Le froid tombait du ciel avec des scintillements d'étoiles, monté de la terre par les fentes des cloisons et la minceur du plancher. Mais on pouvait se blottir dans ses couvertures, ramener ses genoux jusqu'au menton et se réchauffer au bout d'une couple d'heures. L'œil paternel de Moronval avait compris tout de suite la destination à donner à cette espèce de hangar inutile, isolé parmi un tas de balayures et recouvert de cette teinte noirâtre dont les averses mêlées aux fumées de Paris imprègnent vite les bâtiments abandonnés. « Ici, le dortoir », avait dit le mulâtre sans hésiter. « Ce sera peut-être un peu humide », hasarda doucement Madame Moronval. Il ricana. « Nos petits pays chauds seront au frais. » Raisonnablement, il y avait de la place pour 10 lits. On en installa une vingtaine, avec un lavabo au fond, un méchant tapis sous la porte, et ce fut le dotoir, comme il disait. Pourquoi pas, après tout ? Un dortoir est un endroit où l'on dort. Eh bien, les enfants y dormaient malgré la chaleur, le froid, le manque d'air, les bêtes, le bruit de la pompe et les furieux coups de pied des chevaux. Ils attrapaient des rhumatismes, des ophtalmies, des bronchites, mais ils dormaient les poings fermés, paisibles, souriants, soupirants, saisis par ce bon engourdissement du sommeil qui suit le jeu, l'exercice et les jours sans souci. Ô sainte enfance! La première nuit, par exemple, Jack ne put fermer l'œil. Jamais il n'avait couché dans une maison étrangère, et le dépaysement était grand de sa petite chambre, éclairée d'une veilleuse, remplie de ses jouets favoris, avec l'obscurité, la bizarrerie de l'endroit où il se trouvait. Sitôt les élèves couchés, le domestique noir avait emporté la lampe, et depuis lors, Jack était resté éveillé. À la lueur blafarde qui tombait du vitrage chargé de neige, il regardait ses lits de fer rangés pied contre pied dans toute la longueur de la salle, la plupart inoccupés, tout plats, leurs couvertures enroulées sur un bout. 7 ou 8 seulement remplis, bombés par les mouvements des dormeurs et s'animant d'un souffle, d'un ronflement, d'une toux creuse, étouffée sous les draps. Le nouveau avait la meilleure place, un peu à l'abri du vent de la porte et du train de l'écurie. Il n'avait pas chaud tout de même, et le froid, joint à l'imprévu de la vie où il entrait, lui tenait les yeux ouverts. Bercé par le vague de la longue veille, il revoyait toute sa journée en masse, illuminée de détails très précis, comme il arrive souvent dans le rêve où la pensée, traversée de grandes lacunes, se rattache toujours à elle-même par des fils brillants imprégnés de souvenirs. Ainsi, la cravate blanche de Moronval, sa silhouette de grande sauterelle, où les coudes serrés au corps ressortaient derrière le dos comme des pattes, les lunettes énormément bombées du docteur Hirsch, son paletot étoilé de taches, étaient présents à l'esprit de l'enfant, et surtout, oh surtout, le regard hautain, glacial, ironique et bleu de l'ennemi. L'effroi de cette dernière pensée était tel qu'involontairement il songeait tout de suite après à sa mère comme à un défenseur. Que faisait-elle en ce moment ? 11 heures sonnaient à toutes sortes d'horloges lointaines. Sans doute, elle était au bal, au théâtre. Elle allait rentrer bientôt, en mitouflée dans ses fourrures et la dentelle de sa capeline. Quand elle revenait ainsi, quelque avancée que fût l'heure, elle ouvrait la porte de Jack, s'approchait de son lit. « Tu dors, Jack ?» Même dans le sommeil, il la sentait près de lui, souriait, tendait son front, et de ses yeux mi-clos entrevoyait les splendeurs de sa parure. Il lui en restait une vision radieuse, embaumée, comme si une fée était descendue vers lui dans un nuage à l'iris. Et maintenant ? Pourtant, parmi les tristesses de sa journée, il se glissait quelques joies d'amour-propre, les galons, le képi, et le bonheur d'avoir caché ses longues jambes sous un uniforme bleu passementé de rouge. Le costume était un peu long, mais on devait le retoucher. Madame Moronval avait même marqué les plis à faire avec des épingles. Puis il avait joué, fait connaissance avec ses camarades, bizarres, mais bons enfants malgré la férocité de leurs allures. On s'était battu à coups de boules de neige dans l'air vif et froid du jardin, et ça avait été là un amusement nouveau, plein de charme, pour un enfant élevé dans le boudoir tiède d'une jolie femme. Maintenant, une chose intriguait Jack. Il aurait voulu voir son Altesse royale. Où était-il, ce petit roi de Dahomey dont M. Moronval parlait si éloquemment ? En vacances ? À l'infirmerie ? Ah, s'il avait pu le connaître, causer avec lui, devenir son ami ! Il s'était fait dire le nom des 8 petits pays chauds. Pas le moindre prince ne se trouvait parmi eux. Enfin, il se décida à demander au grand Saïd. « Est-ce que son Altesse royale n'est pas à la pension ?» Là-dessus, le jeune homme à la peau trop courte l'avait regardé avec des yeux étonnés, si largement ouverts qu'il lui était resté un peu de peau pour pouvoir fermer la bouche un moment. Il en avait aussitôt profité, et la question de Jack était demeurée sans réponse. L'enfant y pensait encore en s'agitant dans son lit, en écoutant la musique, car par bouffées, des sons d'orgue venaient de la maison, joints au creux de celui qu'on appelait la bassindre. Le tout se mêlait agréablement au bruit de la pompe encore en mouvement et à ses détentes, ses ruades dont les chevaux du voisin ébranlaient le mur. Enfin, le calme se fit. On dormait dans le dortoir comme dans l'écurie, et les convives de Moronval, refermant la grille du passage, s'éloignaient dans le bruit roulant et lointain de l'avenue, quand la porte du dortoir s'ouvrit, ouatée par un bourrelet de neige. Le petit domestique noir entra, un falot à la main. Il se secoua vivement, comique sous les peluches blanches qui accentuaient sa noirceur, et s'avança dans l'entre-deux des lits, le dos courbé, la tête dans les épaules, rétréci, grelottant. Jack regardait cette silhouette falote dont l'ombre s'allongeait de profil sur le mur, exagérée et grotesque, mettant en relief tous les défauts de cette tête simiesque, la bouche en avant, les oreilles énormes, détachées, le crâne en boule, les nœuds et trop saillants. Le négrillon attacha sa lanterne au fond du dortoir, qui se trouva éclairé alors comme l'entrepont d'un navire. Puis il resta là, debout, ses grosses mains gourdes d'engelure et sa face terreuse tendue vers la chaleur, vers la lumière, avec une expression si bonne, enfantine et confiante, que Jacques se prit aussitôt à l'aimer. Tout en se chauffant, le négrillon regardait de temps en temps le vitrage. « Que de neige, que de neige !» disait-il en frissonnant. Cette façon de prononcer le mot de neige, l'accent de cette voix douce, mal assurée dans une langue étrangère pour elle, toucha le petit Jacques, qui eut un regard de pitié vive et de curiosité. Le nègre s'en aperçut et tout bas, « Tiens, le nouveau, pourquoi toi dors pas, moussier ?»« Je ne peux pas, » dit Jacques en soupirant. « C'est bon soupirer quand on a chagrin, » fit le négrillon, et il ajouta d'un ton sentencieux. « Si pauvre monde n'avait pas soupir, pauvre monde étouffé, bien sûr !» En parlant, il étalait une couverture sur le lit voisin de celui de Jacques. « C'est là que vous couchez ?» demanda celui-ci, très étonné qu'un domestique occupât le dortoir des élèves. « Mais il n'y a pas de drap ?»« C'est pas bon pour moi, les draps. Moi, la peau trop noire !» Le nègre fit cette réponse en riant doucement, et il se préparait à se glisser dans son lit, à demi vêtu pour avoir moins froid, quand tout à coup il s'arrêta, prit sur sa poitrine une cassolette en ivoire sculpté, et se mit à l'embrasser dévotement. « Oh, la drôle de médaille !» dit Jack. « Pas médaille ?» fit le nègre. « C'est mon gris-gris !» Mais Jack ne savait pas ce que c'était qu'un gris-gris, et l'autre lui expliqua qu'on appelait ainsi une amulette, quelque chose pour porter bonheur. Sa tante Kerika lui avait fait ce cadeau avant son départ du pays, sa tante qu'il avait élevée et qu'il espérait bien aller rejoindre un jour prochain. « Comme moi, maman !» fit le petit Barency. Il y eut un moment de silence, chacun des enfants pensant à sa Kerika. Jack reprit au bout d'un instant. « Est-ce que c'est beau, votre pays ? Est-ce que c'est loin ? Comment l'appelez-vous ? » « Dahomey !» répondit le nègre. Le petit Jack se dressa sur son lit. « Mais alors, vous le connaissez ? Vous êtes peut-être venu en France avec lui ? Qui ?» « Son Altesse royale, vous savez bien, le petit roi de Dahomey !»« C'est moi !» dit le nègre simplement. L'autre le regardait avec stupéfaction. « Un roi ? Ce domestique qu'il avait vu toute la journée, dans sa défroque de laine rouge, courir la maison, un balai ou un seau à la main, qu'il avait vu servir à table, rincer les verres ?» Le négrillon parlait pourtant sérieusement. Son visage avait pris une grande expression de tristesse, et ses yeux fixes semblaient regarder loin, bien loin, vers le passé ou quelque patrie perdue. Était-ce l'absence du gilet rouge ou la magie de ce mot de roi ? Mais Jack trouvait au nègre, assis au bord de son lit, le cou nu, la chemise entr'ouverte sur sa poitrine sombre où brillait l'amulette d'ivoire, un prestige, une dignité nouvelle. « Comment ça se fait-il » demanda-t-il timidement en résumant dans cette question tous les étonnements de sa journée. « ça se fait, » dit le nègre. Tout à coup, il s'élança pour souffler la lanterne. « Pas content, moussier Moronval, quand Madou laissait lumière !» Puis il rapprocha sa couchette de celle de Jack. « Toi, pas sommeil ?» lui dit-il. « Moi, jamais sommeil quand parlait Dahomey. « Écoute !» Et dans l'ombre, où ses yeux blancs luisaient, le petit nègre commença sa lugubre histoire. Il s'appelait Madou, du nom de son père, l'illustre guerrier Rak Madou Guézo, un des plus puissants souverains des pays de l'or et de l'ivoire, à qui la France, la Hollande, l'Angleterre envoyaient des présents, là-bas, de l'autre côté de la mer. Son père avait de gros canons, des milliers de soldats munis de fusils et de flèches, des troupeaux d'éléphants dressés pour la guerre, des musiciens, des prêtres, des danseuses, 4 régiments d'Amazones et 200 femmes pour lui tout seul. Son palais était immense, orné de fer de lance, de broderies en coquillages et de têtes coupées qu'on accrochait à la façade après la bataille ou les sacrifices. Madou avait été élevé dans ce palais où le soleil entrait de tous côtés, chauffant les dalles et les nattes étendues. Sa tante Kérika, générale en chef des Amazones, prenait soin de lui et, tout petit, l'emportait avec elle dans ses expéditions. Qu'elle était belle, Kérika, grande et forte comme un homme, en tunique bleue, les jambes et les bras nus chargés de colliers de verroterie, son arc au dos, des queues de cheval flottant et ondulant à sa ceinture, et sur la tête, dans la laine de ses cheveux, deux petites cornes d'antilope se rejoignant en croissant de lune, comme si les guerrières noires avaient gardé la tradition de Diane, la blanche chasseresse. Et quel coup d'œil, quelle sûreté de main pour arracher une défense d'ivoire ou pour abattre une tête d'acanthie d'un seul coup! Mais si Kérika avait des moments terribles, elle était toujours bien douce pour son petit Madou, lui donnait des colliers d'ambre et de corail, des pagnes de soie brodées d'or, beaucoup de coquillages qui sont la monnaie de ce pays-là. Même, elle lui avait fait présent d'une petite carabine en bronze doré qui lui venait de la reine d'Angleterre et qu'elle trouvait trop légère pour elle. Madou s'en servait quand il l'accompagnait aux grandes chasses dans les immenses forêts entrelacées de lianes. Là, les arbres étaient si touffus, les feuilles si larges que le soleil ne pénétrait pas sous ces voûtes vertes où les bruits sonnaient comme dans un temple. Mais il y faisait clair quand même, et les fleurs énormes, les fruits mûrs, les oiseaux de toutes couleurs dont les plumes traînaient des hautes branches jusqu'à terre, y brillaient de tous leurs reflets de pierres précieuses. C'étaient des bourdonnements, des coups d'ailes, des frôlements dans les lianes. Des serpents inoffensifs balançaient leurs têtes plates armées de dards. Les singes noirs franchissaient d'un bond les espaces entre les hautes cimes et des grands étangs mystérieux qui n'avaient jamais reflété le ciel, posés comme des miroirs dans l'immense forêt, semblaient la continuer sous la terre dans une profondeur de verdure traversée de vols scintillants. À cet endroit du récit, Jack ne put retenir une exclamation. « Oh, que cela devait être beau !»« Oui, bien beau !» reprit le négrillon, qui exagérait peut-être un peu, et voyait son pays, à travers le prisme de l'absence, la magie de ses souvenirs d'enfant et l'enthousiasme doré des peuples du soleil. « Oh oui, bien beau !» Et, encouragé par l'attention de son camarade, il continua son histoire. La nuit, les forêts changeaient d'aspect. On bivouaquait dans les jungles, devant de grands feux qui éloignaient les bêtes sauvages, rôdant tout autour et faisant un cercle de hurlements à la flamme. Les oiseaux aussi s'inquiétaient dans les branches, et les chauves-souris, silencieuses et noires comme les ténèbres, attirées par la clarté du feu, la franchissaient de leur vol court pour se réunir au matin sur un arbre immense dont elles semblaient, immobiles et serrées les unes contre les autres, les feuilles bizarres, desséchées et mortes. À cette vie d'aventure en plein air, le petit roi devenait robuste et habile à toutes sortes d'exercices guerriers, maniant le sabre, la hache, à l'âge où les enfants s'accrochent encore au pagne de leur mère. Le roi Rakhmadou Gezo était fier de son fils, de l'héritier du trône. Mais hélas, il paraît que ce n'est pas assez, même pour un prince nègre, de savoir tenir une arme et loger une balle dans l'œil d'un éléphant. Il faut aussi lire dans les livres des Blancs, connaître leur écriture, pour pouvoir faire avec eux le commerce de la poudre d'or, car, disait le sage Rakhmadou à son fils, « Blanc, toujours papier en poche pour moquer nègre. » Sans doute, on aurait pu trouver en Dahomey un Européen assez savant pour instruire le jeune prince, les drapeaux français et anglais flottant sur les factories au bord de la mer, comme au bas des vaisseaux amarrés dans les ports. Mais le roi avait été envoyé lui-même par son père dans une ville qu'on appelle Marseille, bien loin, au bout du monde, pour y devenir très savant, et il voulait que son fils reçût la même éducation que lui. Quel désespoir pour le petit roi de quitter Kérika, de laisser son sabre au fourreau, sa carabine pendue au mur de la case, et de partir avec Moussier Bonfils, un blanc de la factorie qui, tous les ans, allait mettre en sûreté la poudre d'or volée aux pauvres noirs. Madou se résigna pourtant. Il voulait être roi un jour, commander aux Amazones de son père, posséder tous ses champs de blé et de maïs, ses palais remplis de jarres en terre rouge où froidissait l'huile de palme, et tout cet amoncellement d'ivoire, d'or, de minium, de corail. Pour avoir ces richesses, il fallait les mériter, être capable de les défendre à l'occasion, et Madou pensait déjà que c'est dur d'être roi, et que si l'on a plus de jouissances que les autres hommes, on a bien plus de peine aussi. Son départ fut l'occasion de grandes fêtes publiques, de sacrifices aux fétiches, aux divinités de la mer. Tous les temples furent ouverts pour la solennité, tout le peuple oisif en prière, et, au dernier moment, le navire étant prêt à appareiller, le bourreau amena sur le rivage 15 prisonniers à Cantis, dont les têtes coupées tombèrent, ruisselantes et sonores, dans un grand bassin de cuivre rouge. « Miséricorde ! » interrompit Jack, éperdu, blotti sous ses couvertures. Le fait est qu'il n'est pas rassurant d'entendre raconter de pareilles histoires par celui-là même qui en a été le héros. Il y avait de quoi vraiment terrifier les plus braves. Pour se rassurer, il fallait se dire bien vite qu'on était dans le pensionnat Moronval, au beau milieu des Champs-Élysées, et non dans ce terrible Dahomey. Madou, s'apercevant de l'émotion de son auditoire, n'insista pas sur les réjouissances publiques qui précédèrent son départ et arriva rapidement à son séjour au lycée de Marseille. Oh, le grand lycée aux murs sombres, la classe triste aux bancs moisis, où les noms des élèves, taillés à coups de couteau, révélaient des passe-temps de prisonniers. Les professeurs aggravant le noir de leurs costumes par la solennité des grandes manches et de la toque, la voix du pion criant « Un peu de silence !» Et toutes ces têtes penchées, le grincement des plumes, les leçons monotones 25 fois récitées, comme si chaque enfant happait à son tour, dans l'air étouffé de la classe, le même lambeau de science. Et les grands réfectoires, les dortoirs, la cour de caserne éclairée d'un étroit et court soleil si maigrement distribué, ici le matin, là le soir, et si bien logé dans des coins qu'il fallait, pour le sentir, pour le humer, pour le savourer, s'adosser au grand mur noir qu'il absorbait tout entier. Les récréations de Madou se passaient ainsi. Rien ne l'amusait, rien ne l'intéressait. Une seule chose, le tambour marquant les repas, les classes, le lever, le coucher, et qui, malgré ses destinations infimes, faisait battre ce petit cœur de roi guerrier au ronflement de ses baguettes. Il y avait aussi les jours de sortie, mais il en fut bientôt privé. Voici pourquoi. Sitôt que Moussier Bonfils venait le chercher, Madou l'entraînait vers le port, dont les vergues entrelacées, les carènes rangées au quai, l'attiraient du bout des rues. Il n'était heureux que là, dans l'odeur du goudron, du varech, parmi les marchandises qu'on décharge et dont beaucoup arrivaient de son pays. Il avait des extases devant ses ruissellements de grains dorés, ses sacs, ses ballots qui portaient quelquefois une marque inconnue. Les steamers en train de chauffer, et malgré leur immobilité, indiquant déjà le mouvement du voyage par les élans essoufflés de leurs vapeurs, quelques grands navires enflant ses voiles, tendant ses cordages, le tentaient, lui parlaient de départ, de délivrance. Il restait debout pendant des heures, à regarder fuir vers le soleil couchant, une voile gonflée comme une aile de mouette, une fumée légère comme une bouffée de cigare qui semblait suivre la flamme du bel astre disparaître avec lui sous l'horizon. Madou songeait à ses navires tout le temps des classes. C'était bien l'image de son retour au pays de lumière. Un oiseau l'avait amené, pensait-il, un autre le remporterait. Et, poursuivi par cette idée fixe, laissant là le bas, be, bi, beau, bu, où ses yeux ne voyaient que du bleu, le bleu de la mer voyageuse et du grand ciel ouvert, un beau jour, il s'échappa du collège, se glissa dans un des bateaux de Moussier Bonfils, à fond de cale, fut retrouvé à temps, se sauva encore, et cette fois avec tant de ruse qu'on ne s'aperçut de sa présence sur le navire qu'au milieu du golfe du Lion. Un autre enfant, on l'aurait gardé à bord. Mais quand le nom de Madou fut connu, le capitaine, qui comptait sur une récompense, ramena son Altesse royale à Marseille. Dès lors, il fut plus malheureux, surveillé, emprisonné. Mais sa persistance ne se ralentit guère. Malgré tout, il se sauvait encore, se cachait dans tous les bateaux en partance. On le retrouvait au fond des chambres de chauffe, des soutes à charbon, sous des amas de filets de pêche. Quand on le ramenait, il n'avait pas la moindre révolte, seulement un petit sourire triste qui vous ôtait la force de le punir. À la fin, le proviseur ne voulut plus garder la responsabilité d'un élève aussi subtil. Renvoyer le petit prince au Dahomey ? Moussier Bonfils ne l'osait pas, craignant de perdre les bonnes grâces de Rachmadou Ghezo, dont il connaissait le royal entêtement. C'est au milieu de ces perplexités que parut dans le sémaphore l'annonce du gymnase Moronval. Aussitôt, le petit noir fut expédié 25 avenue Montaigne, dans le plus beau quartier de Paris, où il fut, je vous prie de le croire, reçu à bras ouverts. C'était la fortune du gymnase et une réclame vivante que ce petit héritier noir d'un royaume lointain. Aussitôt, on l'exhiba, on le promena. Monsieur Moronval se montra avec lui au théâtre, aux courses, le long des grands boulevards, semblable à ces commerçants qui font rouler dans Paris, sur un fiacre à l'heure, quelque enseigne parlante de leur boutique. Il l'emmena dans des salons, dans des cercles où il entrait, grave comme Fénelon conduisant le duc de Bourgogne, tandis qu'on annonçait « Son Altesse royale le prince de Dahomey et Monsieur Moronval son précepteur ». Pendant des mois, les petits journaux furent pleins d'anecdotes, de réparties attribuées à Madou. Même un rédacteur du Standard vint tout exprès de Londres pour le voir, et ils eurent ensemble une sérieuse conversation financière, administrative, sur la façon dont le prince comptait gouverner un jour ses États, sur ce qu'il pensait du régime parlementaire, de l'instruction obligatoire, etc. La feuille anglaise reproduisit à l'époque ce curieux dialogue, questions et réponses. Les réponses, flottantes et vagues, laissaient généralement à désirer. On y remarque pourtant cette saillie de Madou, priée de donner son opinion sur la liberté de la presse. « Tout manger, bon pour manger. Toute parole, pas bon pour dire. » Du coup, tous les frais du gymnase Moronval se trouvèrent payés par ce seul élève. Moussier Bonfils réglait les notes sans faire la moindre observation. Par exemple, l'éducation de Madou fut un peu négligée. Il en restait à l'abécédaire, et la méthode Moronval de Coster le trouva constamment rebelle à ses charmes, mais il n'y avait pas le moindre inconvénient à cela, les années de pension devant se multiplier en sens inverse des progrès du jeune roi. Il gardait donc sa prononciation défectueuse, son parler demi-enfantin, qui, en ôtant leur temps au verbe, donne à la phrase une physionomie impersonnelle, semble laissée d'un peuple à peine sorti du mutisme animal. Du reste, gâté, choyé, entouré. On dressait les autres petits pays chauds à le distraire, à lui céder, ce qui avait été d'abord assez difficile à obtenir, vu sa couleur terriblement foncée, qui est une marque d'esclavage dans presque toutes les contrées exotiques. Et les professeurs, quelle indulgence, quels sourires aimables ils avaient pour cette petite boule noire qui, malgré son intelligence, se refusait à tous les bienfaits de l'instruction et, sous la laine épaisse de sa chevelure, abritée, avec un ardent souvenir de son pays, le mépris de ces billevesées qu'on essayait de lui inculquer. Chacun dans le gymnase faisait des projets sur cette royauté future, déjà puissante et entourée, comme si Madou avait marché en plein Paris sous des éventails de plumes, le dais à franges, les lances en faisceaux de la suite de son père. « Quand Madou sera roi ?» C'était le refrain de toute leur conversation. Sitôt Madou couronné, on irait là-bas tous ensemble. L'abbé Cindre rêvait de régénérer la musique grossière du Dahomey et se voyait déjà directeur d'un conservatoire, maître de la chapelle royale. Madame Moronval de Coster espérait appliquer sa méthode en grand dans de vastes classes dont elle se figurait les nattes nombreuses noires de petits élèves accroupis. Mais le docteur Hirsch, lui, dans son rêve, couchait toute cette marmaille dans des lits innombrables, rangés en enfilade, et faisait sur elle les expériences dangereuses de sa médecine fantaisiste et non diplômée, sans que la police eût la moindre envie de s'en mêler. Les premiers temps de son séjour à Paris semblèrent doux au petit roi, à cause de cette adoration ambiante. Et puis, Paris est la ville du monde où les exilés s'ennuient le moins, peut-être parce qu'ils se mêlent dans son atmosphère, un peu de l'atmosphère de tous les pays. Si seulement le ciel avait voulu sourire lui aussi, au lieu de ruisseler sans cesse d'une petite pluie fine et cinglante, ou de s'envelopper de tourbillons de peluche blanche, de cette nige qui ressemblait si fort à la graine ouverte et mûre des cotonniers. Si le soleil avait chauffé pour de bon, en déchirant la gaze trouble dont il s'entourait continuellement. Si Kerika, enfin, avec son carquois, son fusil bronzé, ses bras nus chargés de bracelets, était apparu de temps en temps, Madou aurait été tout à fait heureux. Mais la destinée changea subitement. Moussier Bonfils arriva un jour au gymnase Moronval, apportant des nouvelles sinistres du Dahomey. Le roi Rakhmadou Gezo était détrôné, prisonnier des Akantis, qui venaient de s'emparer du pays et d'y fonder une dynastie nouvelle. Les troupes royales, les régiments d'Amazone, tout avait été vaincu, dispersé, massacré, et Kerika, la seule échappée par miracle, réfugiée à la factorerie Bonfils, faisait prier Madou de rester en France et de bien conserver son gris-gris. C'était écrit. Si Madou ne perdait pas l'amulette, il régnerait. Il fallait cette pensée pour relever le courage du pauvre petit roi. Moronval, qui ne croyait pas au gris-gris, présenta sa note, et quelle note, à Moussier Bonfils, qui paya pour cette fois, tout en signifiant au maître de pension qu'à l'avenir, s'il consentait à garder Madou, il ne devait plus compter sur une rétribution immédiate, mais sur la reconnaissance et les bienfaits du roi, aussitôt que les chances de la guerre le remettraient sur le trône. Il importait de choisir entre cette fortune aléatoire ou un renoncement absolu. Moronval répondit avec noblesse « Je me charge de l'enfant ». Ce n'était déjà plus son Altesse royale. Le respect perdu, rien ne subsista des soins, des attentions dont avait été comblé le petit nègre. Chacun lui en voulait d'une déception personnelle et de la mauvaise humeur de tous. Il fut d'abord le simple pensionnaire, semblable aux autres jusqu'au moindre bouton de l'uniforme, grondé, puni, corrigé, couchant au dortoir, soumis à la règle commune. Le petit n'y comprenait rien, essayait en vain ses gentillesses, ces petites grimaces autrefois adorables, qui se heurtaient maintenant à une froideur étrange. Ce fut bien pis quand, plusieurs trimestres écoulés, Moronval, ne recevant pas d'argent, commença à trouver que Madou était une bouche inutile. De l'état de pensionnaire, on le fit passer à celui de subalterne. Comme on avait renvoyé le domestique pour cause d'économie, Madou le remplaça, non sans révolte. La première fois qu'on lui mit un balai dans les mains en lui indiquant l'usage qu'il fallait en faire, il s'y refusa obstinément. Mais M. Moronval avait des arguments irrésistibles et, après une vigoureuse bastonnade, l'enfant se résigna. D'ailleurs, il préférait encore balayer que d'apprendre à lire. Le petit roi balaya donc et frotta avec une ardeur, une constance singulière, on a pu s'en convaincre par le luisant du salon Moronval. Mais cela n'adoucit pas l'humeur farouche du mulâtre qui ne pouvait lui pardonner toutes les déceptions dont il était la cause involontaire. Madou avait beau s'appliquer à faire reluire, donner au logis délabré un vernis de propreté, il avait beau regarder son maître avec des yeux câlins, l'humilité frémissante d'un chien soumis, il n'obtenait le plus souvent que des coups de matraque pour récompense. « Jamais content !» disait le négrillon avec une expression désespérée. Et le ciel de Paris lui semblait devenir plus noir, la pluie plus continuelle, la neige plus abondante et plus froide. « Oh, Quéricka, tante Quéricka, si aimante et si fière, où êtes-vous ? Venez voir ce qu'ils font du petit roi, comme on le traite durement, comme on le nourrit mal, comme on l'habille de guenilles, sans pitié pour son corps frileux. Il n'a plus qu'un vêtement de propre maintenant. C'est sa livrée, casaque rouge, gilet rayé, casquette à galons. À présent, quand il accompagne le maître, il ne marche plus à côté de lui en égal, il le suit à 10 pas. Ce n'est pas encore le plus dur. De l'antichambre, il passe à la cuisine, et de la cuisine, comme on a remarqué son honnêteté, son ingénuité, on l'envoie au marché de Chaillot avec un grand panier faire les provisions. Et voilà où en est réduit le dernier descendant du puissant Tokonodu, fondateur de la dynastie daomienne, à aller marchander les vivres du gymnase Moronval. 2 fois par semaine, on le voit remonter la longue rue de Chaillot, longeant les murs, maigri, souffreteux, grelottant, car maintenant il a froid, toujours froid, et rien ne le réchauffe, ni les exercices violents auxquels on le condamne, ni les coups, ni la honte d'être devenu domestique, ni même sa haine contre le père au bâton. C'est ainsi qu'il appelle Moronval. Elle est pourtant bien vigoureuse, cette haine. Ah, si Madou redevenait roi un jour! Son cœur frémit de rage à cette pensée, et il faut l'entendre faire part à Jack de ses projets de vengeance. Quand Madou retournait Dahomey, écrire bonne petite lettre à père au bâton, faire venir Li au Dahomey et couper tête à Li d'un grand bassin de cuivre, après, avec sa peau, couvrir un grand tambour de guerre pour aller contre les Akantis. Zim, boum, boum, zim, boum, boum. Jack voyait briller dans l'ombre, adouci d'un reflet de neige, 2 petits yeux de tigre, pendant que le nègre tapait sourdement de la mer sur le rebord de son lit pour imiter le tambour de guerre. Le petit de Barency était terrifié. Aussi, la conversation en resta là pendant quelques minutes. Enfoncé dans ses couvertures, la tête pleine de ce qu'il venait d'entendre, le nouveau croyait voir passer des éclairs de sabre et retenait sa respiration. Madou, que son récit avait excité, aurait bien voulu parler encore, mais il croyait son camarade endormi. Enfin, Jack poussa un de ces longs soupirs qui semblent venir de ces immensités que le rêve parcourt en 1 seconde et de la profondeur du cauchemar. « Toi, pas dormir, moussier ?» demanda Madou doucement. « Toi, causer encore ensemble ?» « Oui, je veux bien, » répondit Jack. « Seulement, nous ne parlerons plus de votre vilain tambour ni du grand bassin de cuivre rouge. Ça me fait trop peur. » Le nègre eut un petit rire, puis d'un ton bon enfant. « Non, non, moussier, plus parler Madou. Parlez-toi à présent. Comment tu t'appelles ?»« Jack, par un cas. Maman y tient beaucoup. »« Lis bien riche, la maman, à toi ?» « Si elle est riche, je crois bien, » dit Jack, qui n'était pas fâché à son tour d'éblouir le petit roi. « Nous avons une voiture, une belle maison sur le boulevard, des chevaux, des domestiques et tout. Et puis, vous verrez quand maman viendra me voir comme elle est belle. Dans la rue, tout le monde la regarde. Elle a de belles robes, de beaux bijoux. Bon ami a bien raison de dire qu'il ne lui refuse rien. Quand maman a voulu venir à Paris, c'est lui qui nous y a amenés. Avant, nous étions à Tours. C'est ça un joli pays. Nous demeurions sur le mail et le tantôt nous allions nous promener dans la rue royale où il y a d'excellents gâteaux et beaucoup d'officiers en beaux uniformes. Ah, je m'amusais bien, allez. D'abord, tous les messieurs me gâtaient, m'embrassaient. J'avais papa Charles, papa Léon, des papas pour rire, vous savez, parce que mon père à moi est mort il y a bien longtemps et je ne l'ai jamais connu. dans le commencement que nous étions à Paris, je m'ennuyais un peu de ne plus voir les arbres ni la campagne. Mais maman m'aime tant, me gâte tant, que cela m'a consolée. On m'a habillée à l'anglaise, ce qui est tout à fait à la grande mode, et on me frisait tous les jours pour m'emmener promener au bois de Boulogne, autour du lac. Alors, bonne amie a dit que je n'apprendrais jamais rien, qu'il fallait me mettre en pension, et maman m'a menée à Vaugirard, chez les pères. Ici, Jack s'arrêta. Cet aveu qu'il allait faire, que les jésuites n'avaient pas voulu le recevoir, blessait son amour-propre. Malgré la naïveté, l'ignorance de son âge, il sentait qu'il y avait là quelque chose d'humiliant pour sa mère et pour lui. Et puis, ce récit, qu'il avait entrepris étourdiment, le ramenait à la seule préoccupation sérieuse qu'il eût jamais eue dans la vie. Pourquoi n'avait-on pas voulu de lui? Pourquoi les pleurs de sa mère et le pauvre enfant si pitoyable du supérieur? « Dis donc, Moussier, » fit le nègre subitement, « qu'est-ce que c'est ça, une cocotte ?»« Une cocotte ?» répondit Jack un peu étonné. « Je ne sais pas, moi. C'est une poule, une cocotte. » C'est que l'hyper au bâton dire à Madame Moronval « ta maman à toi être une cocotte. » En voilà une drôle d'idée. Maman, une cocotte? Vous avez mal entendu. Maman, une cocotte. À cette pensée que sa mère était une poule avec des plumes, des ailes, des pattes, Jack se mit à rire de toutes ses forces et Madou l'imita à son tour sans savoir pourquoi. Cette gaieté dissipa bien vite l'impression sinistre des histoires de tout à l'heure et les deux pauvres petits abandonnés, après s'être fait confidence l'un à l'autre de leur misère, s'endormirent de bon cœur, la bouche entr'ouverte, encore pleine de rire, que la respiration régulière du sommeil chassa bientôt en mille petites notes joyeusement confuses.